Il y aurait encore tant et tant de choses à dire sur la Bible. Sais-tu que c'est un des livres les plus lus dans le monde? Prends le temps de découvrir, de connaître et d'écouter les histoires, les moments où Dieu se révèle. Tu as toute la vie pour lire la Bible, seul et avec d'autres. C'est une joie pour les chrétiens d'écouter la parole de Dieu et d'entendre ce que Dieu dit aujourd'hui à chacun dans son cœur et ensemble en Église. C'est une joie pour les chrétiens d'écouter ce que Jésus a enseigné, de découvrir ce qu'il a fait. Cela leur permet de mieux vivre en baptisé aujourd'hui. Dans ta prière, tu peux demander à Dieu qu'il t'aide à aimer sa parole. Tu peux demander à l'Esprit-Saint de te donner l'intelligence pour comprendre qui est Dieu et surtout ce qu'il veut te dire. Tu te souviens que le premier livre de la Bible est un poème? Celui de la création du monde par Dieu? Le dernier livre de la Bible s'appelle le livre de l'Apocalypse, cela veut dire « dévoilement ». Dans ce livre, de manière surprenante et originale, Jean raconte que Jésus reviendra. Jésus lui-même a dit qu'il reviendrait à la fin du monde. C'est l'espérance des chrétiens. En attendant son retour, ils savent qu'il est déjà là, présent, mystérieusement, dans le secret de leur cœur. Ceux qui l'accueillent n'ont pas besoin d'attendre la fin du monde. Jésus frappe à la porte de leur cœur. C'est une bonne nouvelle.